cours numéro 11. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. قال الشيخ سعدي رحمه الله ومن براهين وحدانيته وكماله وتوحده بالعظمة والكمال أنه قد ثبت بالبراهين والآيات المتنوعة التي لا يمكن إحصاؤها لا إحصاء أنواعها ولا أفرادها صدق الرسل. هذا الفصل سي ان برهان عظيم كذلك qui prouve l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et que notre din c'est la vérité صدق الرسل أي que les messagers ils étaient véridiques. قال وأن ما جاءوا به هو الحق La da'wa des messagers, elle était fondée sur la vérité. Et cet appel qu'ils ont fait, le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, et d'avoir les bons comportements, de faire des efforts dans l'adoration, etc. Tout cela, c'est la vérité. قَالُ وَخُصُوصًا إِمَامُهُمْ وَسَيِّدُهُمْ مُحَمَّدٍ وَخُصُوصًا إِمَامُهُمْ وَسَيِّدُهُمْ مُحَمَّدٌ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ نعم, le dernier des prophètes, et le meilleur des prophètes, le meilleur des hommes عليه الصلاة والسلام. قال وأنه يجب على الخلق أن يعرفوا قدر الأنبياء وتمييزهم عن أوصاف الخلق بكل أوصاف الفضائل. Et ça c'est une nasiha طيبة. Et on a besoin de ce genre de rappel. Et c'est une obligation pour tout le monde de reconnaître la قدر الأنبياء, la valeur des prophètes et le rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال وتمييزهم عن أصناف الخلق بكل أوصاف الفضائل. لا شك أن الله سبحانه وتعالى les a choisi les prophètes et les messagers, il les a élevés par rapport à toutes les autres créatures. وأن الإيمان بهم ومحبتهم وتوقيرهم وتبجيلهم من أفرض الفرائض وأوجب الواجبات. Ça fait partie des adorations les plus importantes. Le fait de les aimer, bien sûr, de croire en eux, de les respecter. Tout ça, al-mu'min, il doit se rappeler qu'il n'a été créé que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et le mu'min, ben l'être humain, il ne peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala que s'il suit ha'oula. Ha'oula, c'est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mu'min, il doit prendre ha'oula comme guide. Et ha'oula, ils ont des ennemis. Ils ont toujours eu des ennemis. De leur vivant et après leur mort, alayhim as-salatu wassalam. Enfin, si le mu'min, si le croyant, il ne distingue plus entre les alliés des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala et leurs ennemis, hada c'est tariqul halak. Hada il se fera beaucoup de mal. Ben il peut se conduire lui-même à sa propre perte, ayyadan billah. قال وأنه يجب أن يكون لهم في قلوب العباد من العظمة والخضوع لما جاءوا به ما يضمحل معه جميع المقالات من تعظيم الأنبياء والرسل أي le fait de respecter les prophètes et les messagers et بالخصوص كما قال إمامهم l'imam de tous les prophètes notre prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام ف كما قال هنا الخضوع لما جاءوا به le fait de se soumettre et de suivre le message que Allah subhanahu wa ta'ala il leur a révélé ما يضمحل معه جميع المقالات et là tu as deux choses tu as le message la religion des prophètes que Allah subhanahu wa ta'ala il leur a révélé et tu as tout le reste l'insan s'il ne différencie pas il ne distingue plus entre la vérité et le faux, entre la révélation qu'on doit absolument suivre et autre, هذا كذلك se fera du mal. قال وأن لا تعارض أقوالهم وأن لا تعارض أقوالهم بمعقولات أو قياسات أو ذوقيات. هذا الأمر c'est الثمرة, c'est le fruit de هذا الإيمان وهذا التوقير. Celui qui croit au messager, celui qui croit en notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et Annahu, c'est le dernier des messagers. Et Anna, tous les êtres humains, ils ont pour obligation de le suivre. Enfin, celui qui a cette conviction et qui est sincère et véridique par rapport, bien sûr, à sa foi, il mettra en application hada. Et c'est ça le fruit de hada l'iman. C'est le fait de suivre Annabi sallallahu alayhi wa sallam et de s'écarter de tout ce qui contredit sa voix. فلهذا قال وأن لا تعارض أقوالهم بمعقولات أو قياسات أو ذوقيات. لان كما تقدم معنا tu trouveras des avis, des paroles, des faits, des gestes qui contredisent la voix de ces messagers alayhim salatu wassalam. فالموفق et celui que Allah subhanahu wa ta'ala a guidé jamais ne fera passer la parole d'un autre avant la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Abadan. Bien sûr, tout ça par rapport à l'iman. Tout ça par rapport à l'iman. Et كذلك par rapport au ilm. لأن si la foi elle baisse, فالإنسان, malgré qu'il reconnaît que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est la vérité, la foi elle baisse, les passions. Imam, il va prendre autre que la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que pour lui, il pense que c'est une facilité ou pour quelque chose de dunya ou pour il n'arrive pas à délaisser ce péché, etc. Ça reste incroyant, لكن par rapport à sa foi qui baisse, il se fera du mal. Amma celui qui rejette la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui n'y croit plus, bah, c'est autre chose. كذلك العلم لأن البعض يدلس la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cause de l'ignorance ou à cause des ambiguïtés. Enfin, pour repousser l'ignorance et pour repousser les ambiguïtés, العلم. Et pour repousser le premier cas, الضعف, la faiblesse qui peut pousser aux passions à s'autoriser des choses pour faire du haram, هذا c'est l'iman, la foi. On est obligé d'avoir ces deux choses, l'iman et faire des efforts fait l'ilm. Mais ça va ensemble. فَلِهَذَا قَالْ أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا يَنْتَمِي إِلَيْهِ أَهْلُ الْبَاطِلِ. Tout ce qui contredit la voix du prophète, عليه الصلاة والسلام. Que ce soit par l'intermédiaire d'une parole, ou un qiyas, ou taqlid, le fait de suivre un tel parce qu'il fait partie de tel pays ou autre. Enfin, tout ça, on n'a pas le droit. Et هذا في الحقيقة c'est pour le bien de tous les croyants. لماذا لأن le seul moyen de s'unir, le seul moyen d'unir la communauté, c'est qu'on prend tous comme modèle le prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. C'est pour ça qu'on n'a qu'un prophète. Et c'est pour ça que le dernier des prophètes, notre prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام, tout le monde doit le suivre. Et pour éviter les divisions. قال بل أقوال الرسل لا يتم للعبد إيمان ولا إسلام حتى يجعلها هي الأصل الأصيل والأساس الذي يرد إليه كل شيء. Et ça c'est un point très très important. تأمل قوله هي الأصل الأصيل. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant qu'être humain, tu seras confronté dans beaucoup de sujets à plusieurs paroles. La parole du prophète alayhi salam, ou la parole d'Allah azza wa jalla, un verset du Coran, tu pourras peut-être avoir un avis qui contredit les textes, l'avis de tes parents, ou l'avis d'un ami, ou l'avis de ton chir, ou les gens ils font autre chose. Moi, l'insan il est confronté à ça. Si tu appliques la parole de chir, rahimahullah, tu comprendras beaucoup de choses. Anna al-asl al-asil, c'est la parole du prophète alayhi salam. Hey, on ne doit pas comprendre la parole du prophète alayhi salatu salam ou adapter la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux gens. Abadan. La base, c'est la parole du prophète alayhi salatu salam. Wa dalil ala hada qawluhu azza wa jalla fa in tanaza'tum fi shay' farudduhu ila Allah wa ar-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Donc dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala qala, il a dit clairement azza wa jalla, anna si on diverge. Il y en a, comme on l'a dit, en tant qu'être humain, tu es exposé à plusieurs avis, donc on peut diverger. Lakin, si notre référence, la source, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole du prophète alayhi salatu salam, alhamdulillah, on fermera beaucoup de portes, on évitera beaucoup de problèmes, on s'écartera de la divergence et de la division. Qala, on répète, bel aqwal ar-rusul. لا يتم للعبد إيمان ولا إسلام حتى يجعلها هي الأصل الأصيل. Donc fais attention de ne pas inverser. قال والأساس الذي يرد إليه كل شيء. On vit à une époque أن البعض, vu qu'ils ont des faiblesses في هذا, et ils ont des faiblesses dans la science, et ils n'ont pas compris ce fondement qui est essentiel dans din al-mu'min, احيانا dans une masala claire النبي صلى الله عليه وسلم il a interdit une chose. مثلا prends l'exemple de الربا, l'usure. الله سبحانه وتعالى il l'a interdit في القرآن. بل il y a un châtiment très très dur pour celui qui يتعامل بالربا, qui utilise l'usure, qu'il le prend, qu'il le donne, qu'il témoigne, etc. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم dans beaucoup de hadith il a interdit l'usure. Tu trouves كتب العلماء كتب الفقهاء, il y a toujours le chapitre sur البيوع, etc. il y a un point sur الربا. مع هذا tu peux trouver واحد avec des حيل, souvent c'est les passions, des faiblesses, et tu lui montres tout ça. مثلاً il va acheter une maison بالربا, tu lui montres هذا كله, ثم il te dit mais شيخ un tel il a dit, نعوذ بالله من الانحراف, شيخ un tel il a dit, et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, et قبل ذلك Allah سبحانه وتعالى a dit, qu'est-ce qu'on fait de ces paroles, le شيخ c'est pas l'asl. فلهذا si on vient à appliquer la règle الآن, قال حتى يجعلها هي الأصل الأصيل. Est-ce que la base c'est la parole du shir? Le shir madalan, il dit que c'est permis. Il dit que c'est permis de faire un crédit pour acheter une maison. Les mada parce que le croyant il doit avoir sa maison. Muhim, des causes qu'il cite. Est-ce que tous les hadiths et les versets du Coran ils doivent revenir à la parole du shir? Et c'est vrai, le shirk, il a raison. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit les intérêts, mais pour la maison, c'est autorisé. Est-ce qu'on a le droit de comprendre comme ça? Ah là, c'est très très grave. L'imam, il y en a un deuxième shirk, il va dire telle chose, c'est autorisé, un deuxième haram. Ou on peut encore inverser la chose. On peut prendre la parole d'un savant de la sunna qui suit les textes, et qui dira, c'est haram, enfin comment on fait? Vous avez remarqué que si on sort de la révélation du Coran et de la Sunna, tu peux pas prendre comme base. Pourquoi? Parce que tel shir il va autoriser, un autre il va interdire. Enfin, pourquoi prendre comme base celui-là, ce shir et pas l'autre? Ça montre que pour avancer dans le din, il faut être juste et véridique. On doit faire attention aux patients. Bardenes, tellement qu'ils sont motivés, ils veulent acheter une maison, ils savent très bien que c'est haram. Il y en a les riba, l'usure, pour faire des crédits, mathalan, les crédits avec usure. La grande majorité des musulmans, alhamd, ils savent que c'est haram. Belle, à l'époque, c'était clair, c'était haram. Les musulmans, ils s'écartaient de hada. Lakin, ba'd du'at al-batil, qui ont autorisé hada, ils ont mis des doutes à certains. Et certains, à la base, ils savaient très bien que c'était haram. Lakin, vu qu'ils veulent tellement acheter cette maison, un homme, il se rassure, mais le shir, il a dit. Tu lui montres, hein, c'est haram, tu lui cites beaucoup de choses pour se rassurer. Mais le shir, il a dit. Hada fil haqiqa, l'asl pour lui. C'est les textes où c'est le shir, c'est devenu le shir. L'asl, c'est la base. C'est très très grave. Amma, on revient à la règle. Hatta yaj'aluha hiya l'asl al-asil. Le shir, il a dit, c'est autorisé le crédit pour cette maison. Pourtant, il y a de l'usure. Enfin, nous, on prend la parole du shir et on l'apaise avec les textes, par rapport aux textes. On va refuser là. Pourquoi le shir il dit c'est autorisé? On a des versets clairs, on a des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a la fatwa de la grande majorité des savants qui disent que c'est haram. Bah, ce shir là, en plus, on sait que ce shir il n'est pas infaillible. Il peut se tromper, bah, il peut s'égarer, bah, il peut sortir de l'islam. Personne n'est à l'abri. Al-hayla tu'man alayhi al-fitna. Kadhalik, ce shir il a été contredit par des autres savants. Bah, wallahi alhamd, des savants de la sunna. Enfin, on peut rejeter sa parole très simplement, sans aucun haraj, aucune gêne. Aucune gêne. L'imana, l'anna, le haq, il passe avant. La sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle passe avant. Hakada, on préserve notre din. On vit une époque, là. On a déjà nebbah, à cause de certains égarés. Anna, ils leur posent la question sur la musique. La base, c'est plus la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Falihada, quand vous posez la question à quelqu'un, poser la question au savant de l'islam. Le savant de l'islam, le savant de la sunna, il va donner de l'importance au texte. Maintenant, le savant de la sunna, tu vas lui demander maison à crédit, il va te citer les versets sur le crédit. Et il va te citer les hadiths. Et à la fin, il va te dire les versets, les hadiths sont clairs, c'est haram, écarte-toi. Ahlul Ahwa, qu'est-ce qu'ils font? Vu que Hadal Asl, il est négligé, directement, qu'est-ce qu'ils vont dire? Il y a khilaf. Il y a khilaf dans la mas'ala. Certains, ils ont un avis qui est assez ferme. D'autres, ils ont plus regardé la société actuelle. Ka'annahum, ceux qui autorisent le riba, ils ont plus de miséricorde. Ils connaissent plus al-waqi', l'actualité, la situation des musulmans qui vivent en Europe, qui vivent dans tel pays. Et hakada. Il écarte ce musulman des textes. Et ce musulman, vu que beaucoup de musulmans, ils ont un manque de science et ils sont attirés, l'être humain en général, il est attiré par ces choses, avoir sa maison, avoir sa voiture, il penchera plus vers cet avis. Sauf, man wafaqahu Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît ses règles. Il arrêtera tout de suite ce shir, ce mufti, cette personne, je veux un dalil min al-kitab ou min al-sunnah. Et on le répète, aslan, on ne pose pas la question aux ignorants et encore moins aux égarés. Dans toute chose, toutes les fatwas, musique, on a cité l'exemple, le crédit, les tenues vestimentaires, la barbe, prend habiter chez les ennemis de l'islam, dans tout, ils ne citent plus les textes. Les mains, les anahoumis se sont écartés de cette règle. La fatwa, elle est basée sur les patients. Emma, il veut absolument faciliter à l'autre, même en contredisant les textes. Emma, il y a divergence. Et ça, c'est une énorme fitna. La bout, chacun de nous, n'ajtahid, et on met en garde contre hadhihi tariqa. Et on enseigne, on rappelle à nos frères, et on montre que la base, c'est la sunna du prophète, alayhi sallam. La base, c'est le Coran. Les paroles des savants, comme taqaddam ma'ana miraran wa kathiran, la parole du savant, c'est pour expliquer le texte. La parole du savant, elle est acceptable par rapport au texte. C'est pas le texte qui est acceptable. On l'accepte, on le rejette par rapport à la parole d'un tel. Na'oudou billah. Ta'ammali la kalam. On peut citer une ou deux paroles, huna, des imams de l'islam. L'imam Nutaymiyyah, rahimahullah, comme a vu Jami' al-Masail, قال, wa laysa li ahadin an yuti'a ahadan. Personne n'a le droit d'obéir à une autre personne si, dans cette chose, il y a une contradiction à la sunna du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُطِيعَ أَحَدٍ فِي خِلَافِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ تَأَمَّلُوا ثُمَّ قَالَ وَلَوْ كَانَ مِنْ أَكْبَرِ مَشَيْخِ الدِّينِ وَأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ. Même s'il fait partie des plus grands savants de l'islam. On considère celui qui a le plus de ilm parmi les grands savants de l'un. Si, dans sa fatwa, il y a une contradiction à la sunna du prophète, il y en a le grand savant, il n'est pas à l'abri. Il peut oublier, il peut se tromper, une mauvaise compréhension. Il a un être humain. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de le suivre. On parle, on fait un tambih, on parle dans certaines choses, tu as plusieurs cas. Dans certaines choses, l'omour wadiha. Certaines choses, madalan, l'insan, il sait au fond de lui que c'est haram. Il a des textes, il connaît des paroles de savants, et il sait très bien, wallah, alhamd, il a toujours été rassuré par hadal. Alhamdulillah, on va dire que le sujet, il est clair. Pourquoi, dans ce cas, prendre la parole d'un autre, même si c'est un savant, qui t'écartera de ses preuves, l'imad? On fait attention aux patients. Ça ne veut pas dire qu'on ne revient pas aux savants. Evident, et on doit revenir aux savants. Là, quand tu sais, quand tu es convaincu, et tu as compris le dalil, et tu as des paroles d'autres savants, pourquoi prendre la parole d'un autre? Robama qui n'a pas de dalil. Ou même s'il a des preuves, les autres preuves, elles sont plus fortes. Dans plein de sujets, on peut citer des exemples. Fahada, c'est très très important. On fait attention à la hawa. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se tromper. Il y en a en suivant Hadal Manhaj, tu pourras te tromper. Tu n'es pas à l'abri. Lakin, même si tu te trompes, tu es véridique. Et ton objectif, c'était la vérité. Et même si tu te trompes, si un autre, vu que tu as Hadal Manhaj, tu suis cette voie, si un frère, il te montre, tu t'es trompé. Toi, tu étais convaincu que c'était la vérité. Tu as pris la fatwa de tel shir. Un frère, il te montre. Matalan, en fait, la fatwa que tu as pris, le hadith, il est daïf. Le shir qui a cité, pour lui, le hadith, il était authentique. Lakin, avec les recherches, il te montre une recherche que le hadith, en fait, il est faible. Et que la fatwa des autres savants qui ne se sont pas basés sur ce hadith, c'est ar-raji'. Dans ce cas, tu n'auras aucun problème de délaisser. لماذا؟ لأن ton objectif c'est la vérité, c'est pas un tel ou les passions ou. Ama celui qui suit ses passions. On revient à l'exemple de la maison avec crédit. Tu peux lui montrer les ayats, les versets, les paroles des savants pour te reposer et te dire, mais le shir un tel, il a dit. Est-ce que tu connais mieux que le shir? Pardon, tellement qu'ils atteignent un niveau de faiblesse dans l'argumentation, il dit, c'est possible, mais vois avec le shir. Na'oudou billah. Tu seras interrogé. Le shir, si c'est un savant de la sunna, même s'il se trompe, il est mouchtahid. On ne parle pas des égarés. Les égarés, c'est des égarés. Ils n'ont même pas le droit de répondre. Et on n'a pas le droit de leur poser nos questions. La question sort de l'exemple de la maison du crédit dans n'importe quelle situation. Le savant, s'il se trompe, il est excusé. C'est un mouchtahid. Comme Akhbar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a deux récompenses. S'il a raison, il a une récompense s'il s'est trompé. Amma ant. Si tu achètes cette maison à crédit, ou si tu fais ce haram, et au fond de toi, tu sais que tu n'as aucun argument, on doit tous se préparer à rendre des comptes. L'iman ali anhada, c'est du deal. Hein. C'est pas quelque chose de dunya, là, c'est du deal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a tous ordonné d'obéir à son messager, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. On ne doit pas minimiser les choses. On doit penser, chacun de nous pense, si j'ai pris cet avis, c'est du deal. C'est pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Sincèrement. Avec véracité. Et yawm al-qiyama, walillahi alhamd, j'ai choisi ce qawl parce que je suis persuadé. Même tu t'es trompé, Allah subhanahu wa ta'ala, ghafourun karim. Et si tu as fait un effort et tu as vraiment suivi, alhamdulillah, il n'y a pas de problème. Ça arrive, tout le monde se trompe. Lakin, contredire hadha al-manhaj, c'est très très grave. Deuxième qawl. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كما في نعم السواعق المرسلة الفرق بين أهل السنة وأهل البدع la différence entre la voie de أهل السنة ceux qui suivent la سنة وأهل البدع les innovateurs c'est quoi تأملوا cette différence c'est exactement notre sujet قال رحمه الله أهل السنة يتركون أقوال الناس لأجل السنة وأهل البدع يتركون السنة لأجل أقوال الناس. C'est ça la différence entre celui qui suit la sunna la vérité et celui qui suit le bid'a et ses passions. أن أهل السنة ceux qui suivent la sunna ils délaissent les paroles des gens pour suivre la sunna. Ça veut dire quoi هذا? Ça veut dire que maintenant tu avais un avis. Tu avais un avis et tu as suivi tes parents, tu as suivi tel shir, tu ne savais pas mouhim, tu avais cet avis, tu pensais que c'était la vérité. ثم واحد il te montre. Il te dit يا فلان je t'ai vu, tu fais ça, ou tu dis ça, et je voulais t'informer que un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, مثلاً, il a interdit cette chose. Il ne faut pas faire cette chose. As-Sunni, celui qui veut la vérité, et son objectif, c'est d'appliquer la sunna, قَالَ يَتْرُكُونَ أَقْوَالَ النَّاسِ لِأَجْلِ السُنَّةِ il délaissera cette parole, que ce soit son père, son shir, ou les gens, ils font, il délaissera cela, et il suivra as-Sunna. لماذا? لأن الله عز وجل قال, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لماذا لأن الله سبحانه وتعالى l'a créé pour qu'il adore Allah عز وجل et qu'il suive son messager. Allah سبحانه وتعالى ne nous a pas ordonné de suivre un tel ou un tel. أبدا. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. الاتباع c'est le suivi du Coran et de la Sunna, pas autre. فهذا c'est le cas du Sunni. قال وأهل البدع. Et كذلك من تأثر بهم يتركون السنة لأجل أقوال الناس. ربما ils suivent la vérité. Ils suivaient la vérité, ils connaissaient un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, on reprend notre exemple de désintérêt. Ils suivaient la vérité, il y en a la plupart, la grande majorité des musulmans, ils savent que les intérêts c'est haram, l'usure, etc. Thumma, à cause de ses passions, shaitan, il tombe sur une fatwa où ces prêcheurs, l'an, qui sont propagés, il y a khilaf, là-bas, c'est permis, tu as une raison, tu es marié, il faut ton propre foyer, il a akhri, il délaisse le sunna, et il suit l'avis d'un tel et un tel. C'est pas comme ça notre dîn. Notre dîn, on a des préceptes, on a des fondements, walillahi alhamd. Enfin, on répète la parole de quiconque, elle peut être acceptée ou rejetée, sauf le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Kadhalik, on le répète, anna, la parole du savant, c'est pas une preuve. La parole du savant, elle t'aide à comprendre la preuve. Si elle s'oppose à la preuve, et ça c'est une question, est-ce que La parole du savant, elle peut s'opposer à la preuve, bien sûr. Et si c'est un savant de la sunna, et à le mot, ça ne sera pas une opposition volontaire. Parce que ce savant, il ne veut pas la vérité. Abadan. Lakin, elle peut s'opposer. Le Nabi, il a interdit une chose, ce savant, il ne savait pas, il l'a autorisé. Le hadith ne lui est pas parvenu. Oh, il pensait que le hadith, il était faible. Ah oui, il a oublié, moi, on lui trouve une excuse. Lakin, s'il y a une opposition, on ne prend pas sa parole. L'imam Ali, si on prend la parole du savant dans tout, on le met au même niveau que le prophète Ali. Celui qu'on n'a pas le droit de rejeter une lettre parmi ses paroles, c'est le prophète Ali. L'imam Ali, Allah Azza wa Jal, il l'a choisi comme prophète et comme messager. Bel, le dernier des prophètes et le dernier des messagers. Fahada al-kalam, c'est un kalam mufid jiddan. On doit lui donner de l'importance. On doit lui donner de l'importance. Et on doit le mettre en application. Et on répète, et on l'a beaucoup répété, ma'akum, anna la yufham min hadha, anna. Tu commences à comprendre les textes seuls. Abadan. Il y en a quand on dit que la parole du savant, c'est pas forcément une preuve. Et si le savant, il s'est trompé, tu délaisses sa parole, ça veut pas dire que tu suis pas d'autres savants. L'imad ali anna. Si tu veux la vérité, forcément, il y aura des savants qui suivent cette vérité. Adala abud. Donc quand on dit de ne pas se fanatiser, de ne pas suivre aveuglément, ça ne veut pas dire que tu commences à comprendre tout seul. Là, qui ne te fanatise pas, ne suis pas aveuglément et reviens à la parole des savants qui ont la vérité. Comment savoir si tel savant a la vérité ou pas? Enfin, on a, il faut étudier, il faut faire des efforts fil ilm. Kadhalik, il faut donner de l'importance au dalil. Enfin, la fatwa, tu regardes bien et tu donnes de l'importance au dalil. Pas à la longueur de la fatwa, pas à ce qui t'arrange. Pas par rapport aux passions, pas par rapport à, aux gens, ils font là, tu donnes de l'importance au délit. Si tu ne sais vraiment pas, demande à Ahlul Ilm, demande à un shir. Tu as lu telle parole, tu ne sais pas. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui te facilite. Ce sujet, on l'a détaillé. Kathiran wa lillahi l'hamd. Et shir, il l'a cité. On a fait hada tambih. On nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala à tawfiq lil jami'. Qala wa qad ulima. أن الزبدة دعوتهم وأساسها الدعوة إلى توحيد الله ومعرفته. كذلك هذا سان كلام مهم. أن la base de la da'wa, du prêche de tous les messagers, c'est الدعوة إلى توحيد الله. هذا تستفيد منه أمور. أن أولا, tu dois donner beaucoup d'importance à هذا التوحيد. ثانيا, la première chose que tu dois apprendre, c'est هذا التوحيد. ثالثا, la première chose que tu dois propager, c'est هذا التوحيد. C'est très très important de connaître la base de la da'wa de tous les messagers. Rabi'an, si wahid ne donne pas d'importance à hada tawhid, fais attention de ne pas l'écouter et le suivre. Sha'an ahl al-bid'a wa al-ahwa. Annahum du matin au soir, ils parlent du bon comportement, de kada, et rubbama ma tasma' minhum une minute sur hada tawhid. Fahdhar. قال وإلى عبوديته وإخلاص العمل له وقد قامت البراهين التي لا تعارض ولا تمانع على صدقهم وصحة ما جاءوا به. On revient à notre burhan. أن هؤلاء الأنبياء والرسل قامت البراهين. Beaucoup de preuves. ولله الحمد أنهم ils étaient sur la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala qui les a envoyés. قال فتعين على كل مكلف له دين أو عقل. تأمل. Celui qui a din al-iman, falhamdulillah, c'est un croyant. Ou celui qui a la raison. Il y en a celui qui a la raison, il a un moyen de comprendre. Mais celui qui est croyant, il croit au messager, falhamdulillah. Ce genre de parole, ça lui fait que monter sa foi. Celui qui a la raison et qui réfléchit, قال أن يعترف ما جاء به بغير قيد ولا شرط. On doit accepter la da'wa de notre prophète Mohammed alayhi salatu wa salam sans qaid ou la shart. Sans condition. Là, tu es un être humain, tu es une créature. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé que pour ça, suivre ses messagers. On n'a pas le droit de mettre des conditions. J'accepte le message, mais là, on accepte, on dit sami'na wa ata'na. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite. Et si une chose, on n'arrive pas à la faire, Allah subhanahu wa ta'ala, ghafurun rahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. À me mettre une condition. Alors que l'insan il est capable de faire et il fait même pas d'effort, enfin, c'est très très grave. قال ولأن الأصل صحيح والأساس ثابت ثبوتا يقينيا والمعارضات كلها باطلة، لأن ما عارض الحق فهو باطل. قال فماذا بعد الحق إلا الضلال. لماذا؟ لأن les prophètes sont venus avec la vérité. Et ولله الحمد c'est pour notre bien. Et كذلك tout ce qui contredit la vérité c'est faux. فماذا بعد الحق إلا الضلال. Donc tu n'as qu'à suivre هؤلاء et tu t'écartes de tout ce qui contredit leur voie, leur croyance. هذا c'est أصل متين. Dans ce fasl في الحقيقة il a cité des fondements très très importants. هذا c'est un autre fondement. أن بعض أهل البدع والأهواء و certains ennemis de l'islam à notre époque يحاولون أن يجمعوا بين الحق والباطل. Ils essayent de rassembler entre la vérité et le faux. قال الشيخ لأن ما عارض الحق فهو باطل. تأملوا كلام أهل العلم. Il a cité cette règle. Tout ce qui contredit la vérité, c'est forcément faux. ثم il a cité الدليل. فماذا بعد الحق إلا الضلال. Tu comprends de ce verset. Soit tu es sur la vérité, tout ce qui contredit cette vérité, c'est l'égarement. Il y en a, tu as deux choses. Tu as la guidée, tu as autre. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. C'est la guidée. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. C'est l'égarement. Tout ce qui contredit la voix des prophètes et des messagers. فبعض المنحرفين à notre époque, ils essayent de rassembler entre le haq et le batil. بل والله أن بعضهم كما تعلمون, ils essayent de rassembler entre l'islam et le kufr et l'ilhad. Ils essayent de casser هذا الأصل العظيم. Et le fait de distinguer entre l'islam et les autres religions. Hatta si tu dis pour eux que l'islam c'est la seule religion monothéiste, c'est la vérité, toutes les autres religions c'est faux, pour eux tu es un radicaliste, tu es un intégriste et l'akhir. فلنحافظ على هذا الأصل العظيم. نعم. كذلك بعضهم ils essayent de rassembler entre l'islam et des principes, des idées qui contredisent l'islam et l'asl. Comme la laïcité, la démocratie, ça contredit l'islam. Les fondements de l'islam. Ce n'est pas une simple divergence. Là, ça contredit complètement l'islam. Ou al-Ba'd, ils essayent de rassembler entre une démocratie islamique. Ils essayent de prouver, de montrer que la laïcité, ça ne contredit pas l'islam. Dans plusieurs durus, on a montré des contradictions claires. Et l'islam, ça ne peut pas se rassembler avec la mécréance. Et la mécréance, ça ne fait pas partie de l'islam. Abadan. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن. قال فمن خضع لمعقولات المتحدلقين أو نظريات المبطلين وقدم على ما جاءت به الرسل فقد برهن على نقصان عقله بل فقده لدينه. Celui, c'est la conclusion de tout ce qu'il vient de citer في هذا الفصل رحمة الله عليه. Celui qui délaisse les textes, le Coran ou la Sunna, wa khada' li ma'qulat al-mutahaddiqin, et il suit les principes des athées, des ennemis de l'islam, nadhariyat al-mubtilin, toutes les idées l'âne qui sont répandues, qui contredisent notre dîn, wa qaddama 'ala ma ja'a bihi ar-rusul, il fait passer tout cela avant la religion de tous les prophètes et tous les messagers, ay at-tawhid wa ittiba' ar-rusul. فقد برهن على نقصان عقلي. هذا c'est une preuve claire qu'il a un manque dans sa raison. نقصان عقلي. قال بل فقده لدينه. بل هذا il a perdu son دين. لماذا؟ لأن المؤمن c'est un مؤمن, c'est un croyant. Pourquoi? Parce qu'il croit que sa religion c'est la vérité. Il croit que la voix des prophètes et des messagers c'est la vérité. Mais s'il pense que la vérité elle est dans autre, فهذا il a perdu son دين. كما تقدم معنا dans نواقد الإسلام. Celui qui pense qu'il a le droit de choisir une autre voie que le prophète عليه الصلاة والسلام. Celui qui pense qu'il a le choix, encore plus grave s'il pense qu'une autre voie que le prophète عليه الصلاة والسلام elle est meilleure, هذا l'unanimité des savants, أنه c'est plus un musulman. Même s'il applique, même s'il fait salat, même s'il fait siyam, s'il a cette croyance, فنعوذ بالله من الكفر. قال هذا كله مع التنزل على فرض وجود معقولات تناقض ما جاءت به الرسل. هذا كما قال الشيخ, si on admet, si on prétend que certaines choses de la raison, elles contredisent les textes. Ou illa, la raison, à la base, elle ne contredit pas les textes. قال فكيف المعقولات الصحيحة تؤيد ما جاءت به الرسل. Mais la raison saine, elle est en concordance avec les textes. Il n'y a aucune contradiction. قال وهي من أكبر الشواهد على صدقها وإنما تقع المعارضة بين معقولات أناس سفهاء الأحلام متكبرين بمعلوماتهم وآرائهم الضئيلة والله المستعان. نعم أما المعارضة la contradiction, l'opposition, elle arrive à cause de certaines personnes qui prétendent avoir la raison et c'est des سفهاء. C'est des faibles d'esprit, ils suivent leur passion. C'est des menteurs, ils manquent d'objectivité. Mutakabbirin, ils ont de l'orgueil. Les Mahalal et Annahum, ils vivent dans telle région du monde. Les Mahalal et Annahum, ils ont étudié telle science, min umur ad-dunya. Les Mahalal et Annahum, ils ont choisi comme principe l'égalité, la laïcité, la démocratie. Et pour eux, si tu contredis ces fondements, t'es forcément mauvais, t'es forcément un arriéré. Ah, oula, c'est des dhullal. On ne leur donne aucune considération. Bel, on les déteste. Fillahi Azza wa Jal. Et on reconnaît que Allah subhanahu wa ta'ala nous a favorisés. Amma ha'oula, ils ont perdu leur raison. Et la plupart de ha'oula, ils ont pas de din. Na'oudu billah min sharrihim. Hada al-fasl al-muhim. Et na'am naktafi bihada. Et inshallah, demain, on essaiera de finir hada al-kitab. Il reste quelques chapitres qui sont assez rapides. On essaiera de finir demain ou après-demain. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa s-sadat. Naktafi bihada wa alhamdulillahi rabbil alamin.